nous avons évoqué à plusieurs reprises hier les temps de latence qui marquent les politiques d'aménagement du territoire. Et je voudrais, à l'occasion de cette présentation sur l'architecture hydraulique en Égypte, revenir plus généralement sur l'inscription dans le temps court et long des travaux d'aménagement du territoire. L'histoire de l'hydraulique égyptienne est un bon terrain d'investigation pour un questionnement de ce type, dans la mesure où un très fort historicisme marque la présentation de l'histoire des travaux publics en Égypte. Il n'y a pas d'Égypte sans le Nil, il raconte partout, et pas de culture sans la maîtrise des eaux de la crue. Mais pour autant, il n'y a jamais eu de continuité des systèmes hydrauliques. Dans un article déjà ancien, j'ai tenté de faire la critique de la rétrojection par laquelle on attribue à des époques très anciennes, pharaoniques parfois, une vision des rapports entre le fleuve et la terre qui voit tout en réalité au XIXe siècle. Ne serait-ce que pour une raison simple, dans un milieu où l'irrigation se fait par l'épandage des eaux très limoneuses de la crue, l'affluviement très important induit par cette technique d'irrigation fait que tout système hydro-agricole établi en un temps donné pour un état donné des rapports altimétriques entre les terres et les eaux contient en lui-même les éléments de sa péremption. Il est donc faux de postuler, comme l'ont fait les ingénieurs de la description de l'Égypte par exemple, que depuis la plus haute antiquité, les hommes ont eu pour visée de maîtriser les eaux de la crue du Nil selon des méthodes restées à peu près invariantes, ce que l'on nous raconte éternellement sur l'irrigation par les chaînes de bassin. Les chaînes de bassin, en réalité, ont été créées au XIXe siècle. Mais cet historicisme marque aussi les productions ultérieures des hydrauliciens égyptiens, particulièrement nombreux, que l'on forme à partir de 1820 dans les écoles créées par Mehmet Ali, qui règne, je rappelle, de 1805 à 1848, puis par les experts français ou anglais qui vont travailler avec eux au ministère des Travaux publics égyptiens. En arabe, nous disposons de deux œuvres remarquables dues à un même auteur, un ingénieur de formation française, Ali Pacha Moubarak, né en 1824 et mort en 1893, qui comporte une description extrêmement précise de l'ensemble de cette œuvre hydrographique et hydraulique entreprise par les agents du service des irrigations de l'Égypte à partir de 1820. La première de ces œuvres, c'est un pamphlet qui se veut aussi, pour quelqu'un qui a été à de multiples reprises ministre des Travaux publics, un programme. Il s'intitule « Maîtriser les Nils », établir les Nils. Et la seconde est une énorme encyclopédie historique et géographique qui se veut le pendant égyptien à la description de l'Égypte des Français et qui comporte, dans un de ses volumes, une description, canal par canal, cours d'eau, ouvrage par ouvrage, de l'ensemble du réseau hydrographique égyptien. Ces deux œuvres sont liées l'une à l'autre, puisque la première a été interdite en raison de son caractère politiquement incorrect. Elle a été rédigée en 1872, mais elle ne sera publiée qu'en 1882. Et la seconde, donc la première interdite, donne naissance à la seconde, qui prend d'abord la forme d'une enquête d'économie sociale, comme en font alors beaucoup les ingénieurs, qui porte principalement sur la mécanisation de l'irrigation. Et c'est en faisant appel aux ingénieurs du service des irrigations qu'ils collectent ensuite, par un questionnaire, des informations sur à peu près un quart des communes composant alors l'Égypte pour constituer son encyclopédie historique et géographique de l'Égypte. Alors pour autant, cet historicisme très fort qui, dans le cas des hydrauliciens égyptiens, sert à légitimer en quelque sorte l'ancienneté de la nation égyptienne, ne les empêche pas, lorsque leurs compétences techniques sont en jeu, à la rapidité avec laquelle se périment les systèmes mis en place par leurs prédécesseurs immédiats. Dans sa description des canaux de l'Égypte, par exemple, Ali Pacha Moubarak écrira « C'est un canal ancien, percé sous le règne de Mohamed Ali. » Ou « C'est un canal ancien, percé en 1840, alors qu'il écrit en 1880. » Et on a donc une dichotomie du rapport à l'histoire, un rapport de très court terme lorsqu'il s'agit de débats techniques, comment organiser l'aménagement du territoire, et un discours englobant, légitimement, qui lui est au contraire très historiciste, et qui dit, nous autres, ingénieurs du XIXe siècle, nous faisons en beaucoup mieux ce que les pharaons déjà voulaient faire. De la même manière, ce que Julien Barrois, donc ingénieur français des Ponts et Chaussées, secrétaire général des travaux publics en Égypte dans les années 1880 et 90, défini comme l'ancien type des ponts régulateurs des bassins de la Haute-Égypte, nous les verrons tout à l'heure, est un ouvrage caractéristique par sa forme comme par sa technique de construction des barrages édifiés entre 1820 et 1850. Mais en 1880, ce type d'ouvrage-là est en effet déjà en voie de péremption. Alors cette péremption rapide des parties prises techniques proposées par les ingénieurs hydrauliciens rend difficile l'exploration de ce que pouvaient être les ouvrages d'art antérieurs au XIXe siècle et l'hydraulique en quelque sorte moderne. Je vais vous présenter quelques images de ce que l'on peut trouver soit dans la description d'Égypte, soit dans les ouvrages d'ingénieurs sur ce que pouvaient être les ouvrages d'art antérieurs au XIXe siècle. Donc on a ici une digue qui protège la ville d'Assyut. Dans l'hydraulique pré-moderne, l'essentiel des travaux de maîtrise de la crue sont en réalité des travaux de protection contre la crue et non pas de direction des eaux de la crue. Donc ce sont ces gros ouvrages, très souvent en terre, avec des empierrements sur les talus, mais qui sont des ouvrages peu construits. On a en revanche, dans ces digues, quelques ponts-barrages, dont on voit un exemple situé dans le delta en haut, et même quelques ouvrages très originaux, comme celui qui est donné ici en bas, dans la moyenne Égypte, et qui est un pont-canal. Alors ce pont-canal, j'ai réussi à le voir avant qu'il ne soit entièrement détruit, et j'avais une diapositive qui vous montrait comment il avait été transformé à la fin du XIXe siècle, lorsque la partie aqueduc du pont-canal n'était plus en usage, on a construit dessus une petite maison pour l'ingénieur du district. Autres exemples rapides qui concernent plutôt l'hydraulique urbaine, puisque les villes sont alimentées par des cours d'eau dérivés du Nil et comportent elles aussi des ouvrages d'art. Donc la ville d'Assyut, encore une fois, avec deux ouvrages dont l'un en haut est probablement ancien, peut-être mamelouk par la technique de construction, alors médiéval donc, alors que le second est au contraire un ouvrage probablement du XVIIIe ou du XIXe siècle. Au Caire, où on a ici deux types de ponts un peu différents, le premier avec une ogive et le second un arc de plein cintre, et puis qui donc est sur le khalik du Caire, et un autre sur le khalik d'Alexandrie, un peu du même type. Donc voilà. Un cas très particulier, avec des techniques hydrauliques spécifiques, c'est le Fayoum, qui est une dépression oasienne située à l'ouest de la vallée du Nil, dans des contrebas. C'est le seul endroit de l'Égypte où on utilise la pente longitudinale de façon systématique, où on peut avoir des chutes même, permettant l'installation de roues vitruviennes, hein, qui sont d'ailleurs aménagées dès l'Antiquité. Au Fayoum toujours, d'énormes ouvrages d'endiguement des eaux, encore une fois, qui sont, pour certains d'entre eux, probablement très ancien, la digue de Hawara par exemple, qui est connectée à la pyramide de Hawara et probablement de la première période intermédiaire. Donc ces ouvrages sont évidemment tout le temps remaniés, ont tout le temps retravaillés, on ne les a jamais relevés et j'ai pu en photographier des vestiges, comme l'exemple donné ici, qui montrent l'intérêt qu'il y aurait eu, même pour une approche plus archéologique, à s'intéresser à ce type d'ouvrage. Alors, entre 1820 et 1850, ces systèmes anciens sont entièrement remaniés par l'action du service des irrigations, organisé à partir de 1834 un peu sur le modèle des ponts et chaussées français, par un règlement adapté par un ingénieur français, qui va comporter environ 400 ingénieurs comme cadres permanents entre 1850 et 1880. Pour la première fois dans l'histoire, l'ensemble du territoire égyptien est soumis à un même mode d'exploitation des eaux qui se substitue à des techniques régionales beaucoup plus diversifiées. Et ce système d'exploitation, pour la première fois, fait du Nil et du Nil seul le moteur exclusif de la régulation hydraulique. Les ingénieurs du XIXe siècle vont donc construire des milliers de kilomètres de digues qui sont autant de routes, percer des centaines de canaux, au prix parfois d'un renversement radical des lignes structurant le paysage, et construire des centaines d'ouvrages d'art, de tout type et de toutes dimensions. À terme, ces ouvrages vont bouleverser de fond en comble l'organisation de l'espace égyptien. Alors, rapide résumé de l'histoire de l'aménagement hydraulique au XIXe siècle. Cela commence en gros en 1820, le premier grand chantier de travaux publics, c'est le percement du canal Barbedea, qui relie Alexandrie au Nil. Mais c'est à partir de 1820 que les travaux deviennent systématiques et qu'on touche l'ensemble du territoire. On commence d'abord par faire une refonte des anciens systèmes de bassins, qui étaient jusque-là de type multiple, pouvaient recevoir leur eau directement du Nil selon les points ouest-est, et qui vont désormais le recevoir exclusivement selon les pentes sud-nord. C'est la mise en place de ce qu'on appelle en français les chaînes de bassin, et qu'en arabe on appelle les colonnes de bassin, ce qui est plus intelligent que l'appellation, parce que cela nous montre bien que ces bassins imbriqués les uns dans les autres sont construits sur un axe qui est un grand canal d'amené, alimentant les bassins les plus bas, à l'exception du bassin de prise, évidemment, qui lui est alimenté par l'extrémité aval du cours d'eau supérieur. Ces bassins s'organisent selon une mécanique très précise. Hein, on fait le remplissage et la vidange de 8h en 8h, d'aval en amont. Et pour fonctionner dans des conditions correctes, il faut disposer d'un personnel nombreux, qui soit bien distribué sur le territoire. C'est à ça que concourt la version égyptienne du corps des ingénieurs du service des irrigations, inspiré donc du corps des ponts et chaussées. C'est ensuite le delta qui fait l'objet des plus gros travaux d'aménagement à partir de 1830, avec comme objectif de favoriser l'irrigation pérenne en créant des grands canaux qu'on va appeler canaux d'été ou d'étiage, qui vont permettre d'avoir une seconde saison culturelle. Alors ces canaux sont très compliqués à mettre en place parce qu'il faut les établir évidemment très bas, dans des zones où les pentes sont faibles. Mais à partir de 1830, tout le réseau secondaire du delta, les anciennes branches du Nil et leurs dérivés, sont réaménagés de façon à pouvoir servir à cette culture d'été. Ils ne deviendront pleinement opérationnels que lorsqu'ils seront équipés des régulateurs qui permettent d'en contrôler le débit, et entre le percement du canal et la mise en place du régulateur, du barrage régulateur, il s'écoule parfois 30 ans ou 40 ans. C'est toujours cette même question de la latence entre projet et réalisation en matière de travaux publics. Cette politique va permettre le doublement des surfaces cultivées entre 1820 et 1840, puis un nouveau doublement entre 1840 et 1880. Mais corollairement, l'aménagement de ces nouvelles artères d'irrigation amène un accroissement considérable de la charge de gestion du réseau, et dès les années 1870, le système est en crise, notamment sur les deux questions logistiques majeures que sont la main-d'œuvre, réquisitionnée par ce que l'on appelle la corvée, en réalité un impôt par le travail, qui au départ concernait les communautés villageoises de manière collective et solidaire pour les parties du réseau hydrographique qui concernaient leur terre de culture et qui désormais vont concerner toute la population rurale pour tout le territoire, avec des déplacements parfois considérables de main d'œuvre. Dès 1870, et c'est précisément l'objet du premier livre de Anne Pachon-Vola, Maîtriser le Nil, le système est en crise et les ingénieurs commencent à faire de nouvelles propositions. Premièrement, donner des travaux à l'entreprise, ne plus travailler en régie directe d'État, mais passer à la sous-traitance, au marché privé. Et cette politique conduira à terme à l'abolition de la corvée, demandée par Ali Pacha Moubarak très tôt, et qui ne sera réalisée qu'en 1884 par les Anglais, qui du coup vont en faire la preuve de leurs pratiques humanitariennes. D'autre part, mécaniser le dragage, car c'est le dragage. Le dragage, ça reste jusqu'à nos jours un problème complexe, on l'a vu hier. Mécaniser le dragage, parce que le dragage, c'est la part la plus difficile des travaux de maintenance du réseau. Et d'autre part, à partir de 1860, on a testé sur le canal de Suez de nouveaux modèles de bateaux de drague, en quelque sorte, qui peuvent avoir de très bonnes performances et qu'on entend généraliser, au moins pour les plus importants tributaires du Nil. Dérivés du Nil, pardon. Et enfin, mécaniser l'alimentation des canaux d'été par l'installation de stations de pompage à vapeur, au lieu de le faire par ces canaux dont le plancher est établi très bas. Alors, ces propositions, qui sont progressivement mises en place, ne résolvent pas pour autant le problème des terres les plus hautes de la Haute-Égypte, qui sont dans la plupart des années trop élevées pour être inondées par l'épandage naturel de la crue. Et à partir de 1880, c'est une nouvelle et dernière phase de transformation du réseau qui se met en place avec ce que l'on appelle la politique des réservoirs. L'idée étant d'établir dans le lit majeur du fleuve, de manière directe, de très grands ouvrages d'art qui vont faire fonction de réservoir et permettre l'exhaustion général du plan d'eau. Cela conduira à la mise en œuvre du premier barrage à Assouan en 1902 et bien plus tard encore, en 1970, à la mise en eau du haut barrage. L'histoire de l'hydraulique du 19e donc, s'achève donc en 1970 et à partir de 1970 se consomme la péremption de tous les systèmes hydrauliques antérieurs. À terme, tous les ouvrages d'art que ces systèmes ont portés sont également condamnés à disparaître. Alors, on va voir ce que donnaient très concrètement les ouvrages réalisés par les ingénieurs au 19e siècle. Je vais aller un petit peu vite. Voilà la digue d'Assiut que nous avons vue tout à l'heure, équipée cette fois d'un petit barrage régulateur sur un cours d'eau qui est parallèle au fleuve et qui a en partie un régime indépendant du fleuve à l'étiage. Donc là, on est à l'étiage, évidemment. Et le voici, le même, au moment de la crue. On voit à quel point la crue est encore impressionnante. C'est un cliché du début du XXe siècle qui montre que les deux plaines d'inondation du fleuve et de son dérivé sont réunies en une seule plaine d'inondation. Le type de barrage que construisent les ingénieurs, le voici. C'est ce que donc Barrois va appeler l'ancien type des ouvrages régulateurs. C'est le barrage de Palazzo, là, en Haute-Égypte. Et il comporte un certain nombre d'éléments, notamment récurrents. En voici un bel exemple. Dans une digue de bassin, justement, en haut, le barrage de Benissanéa, avec des portes manœuvrées par des chariots qui coulisse sur des rails que l'on voit en bas et qui constitue l'une des grosses innovations techniques de cette hydraulique du 19e siècle. Autre exemple, pour un village, celui-ci est également en Haute-Égypte, le voici, Nazareth al-Abid, un peu postérieur, avec une transformation de l'appareil qui passe de la pierre de taille de grand format, ce qu'on appelle d'astour en Égypte, à de la pierre de petit, taillée aussi, mais de petit format. Et les exemples que je vous ai montrés sont des barrages de bassins, des régulateurs entre deux bassins. Voici les prises, les ouvrages de prises, notamment des anciennes branches du Nil dans le delta, qui sont en gros du même type. Hein, je vais aller un peu vite parce que c'est redondant. En bas, je vous signale quand même les grues qui permettent la manœuvre des portes des écluses, qui deviennent aussi un élément constant de l'équipement de ces barrages. Voilà, encore des ouvrages de prises sur le Chantaouir dans le delta oriental. Ici, sur le Bar Moïse, qui est un canal très ancien, hein, c'est celui qui alimentait le canal vers la mer Rouge, qui est en ville, dans une ville neuve, créée d'ailleurs par les travaux d'aménagement du territoire, et où on voit bien, depuis Laval, la sortie en quelque sorte de l'écluse et les chariots qui permettent d'en manœuvrer les portes. Les ouvrages de prise des grands canaux qui vont apporter des compléments pour l'irrigation d'été à l'ensemble du delta. Alors ça, c'est des ouvrages qui sont créés parallèlement au barrage du delta, qui est un énorme répartiteur entre les branches de Rosette et d'Agnette. Et donc vous voyez que là encore, on a un type vraiment très régulier de barrage. La photographie du haut est intéressante parce qu'elle nous montre, pour un point sensible du réseau, qu'on a parfois des renforcements très considérables des piles, ce qu'on appelle des piles culées, qui sont beaucoup plus fortes que les piles ordinaires. Bon, voilà encore des répartiteurs. Là, un répartiteur un peu particulier, c'est celui qui contribue à la gestion du partage des eaux entre la vallée et le Fayoum, vue d'aval et vue d'amont. Là aussi, un ouvrage qui est petit par la largeur, mais qui est très fort, parce que la pression des eaux est importante. Et donc, si on fait un résumé du type architectural, évidemment, on pourrait aller beaucoup plus dans le détail que je voulais faire, c'est d'abord par rapport aux premières diapositives que je vous ai montrées, la généralisation de la voûte de plein cintre. On ne voit plus du tout d'ogives à partir du 19e siècle. La généralisation du revêtement en pierre de taille, qui est en revanche construit sur des maçonneries parfois très très fortes en moellon. La transformation du système de fermeture des arches par des pales planches, d'abord manœuvrées par des chariots sur rails, c'est l'une des diapositives. Voilà, on en a un exemple ici du deuxième type. Dès les années 1840, on commence à remplacer ce système de pales planches, dont la mise en place était un peu lente, hein, par des portes d'acier importées d'Europe, qui ont un coût plus élevé, et que l'on manœuvre du coup par ces chariots plus hauts, ces chariots à potence en quelque sorte, qui se déplacent toujours sur les rails installés sur les culées des piles d'avant. Et enfin, un autre élément, alors les portes, je l'ai montré ici avec la médaille commémorative de l'inauguration du barrage du Delta, 1847, où on a choisi, pour un ouvrage qui est pourtant très considérable, de montrer la porte seulement, parce que c'était sur la porte que se jouaient finalement les plus gros enjeux techniques. Par la suite, la seconde moitié du 19e siècle, et à des fins de réduction des coûts, on va remplacer la pierre de taille de plus en plus souvent par de la brique, chaînée seulement sur les parties les plus sensibles en pierre de taille. Et on va donc systématiser l'utilisation de portes métalliques. Alors ce modèle d'architecture hydraulique est un peu difficile à inscrire dans une histoire plus générale de l'architecture des ingénieurs. Je l'ai montré à quelques spécialistes des ingénieurs en Europe, s'ils ne connaissent pas vraiment. Elle a des aspects, si on la compare aux quelques ouvrages que je vous ai montrés au tout début, de très fortes traditions locales. Et d'autre part, dans les deux œuvres de Ralph Vachon de Bonnac que j'ai citées, mais également dans d'autres œuvres d'ingénieurs, on a un vocabulaire servant à décrire non seulement les éléments de cette architecture, mais son fonctionnement et son usage, extrêmement précis. J'ai établi un surcorpus, sur des exemples donc très précis, un corpus des termes techniques de l'irrigation et de l'hydraulique. Et ce vocabulaire, il est totalement local, il est arabe, parfois même très fortement égyptien, avec presque des particularités dialectales qui marquent encore certains éléments du vocabulaire. Et donc il y a quand même fort à parier que c'est un travail de modification, d'adaptation sur des savoir-faire très locaux. On a parfois dans nos sources le nom de l'ingénieur, mais et parfois celui de l'entrepreneur, mais plus souvent on a le nom de l'ingénieur et du directeur territorial, directeur de district ou de province, qui est chargé de l'organisation du chantier, car l'ingénieur fait fonction d'exécutant technique, alors que le contrôle de la manœuvre est sous le contrôle de la force territoriale, qui est d'essence évidemment militaire. Donc, un certain nombre d'ouvrages peuvent être attribués à des noms précis, mais on ne sait pas exactement à quel niveau l'ingénieur intervient. Et ça pose la question de savoir à quel moment l'ingénieur devient un créateur autonome, en quelque sorte. Mais on a le même problème dans la France moderne. La très grande régularité morphologique de ces ouvrages laisse penser qu'on a des plans types qui doivent être fournis par les ingénieurs en chef du corps, et qu'en fait, l'ingénieur local, en quelque sorte, il y en a un dans chaque district, est lui chargé de l'exécution par l'entreprise ou par la main-d'œuvre réquisitionnée, conformément aux plans qui ont été donnés. Mais c'est un point qui mériterait d'être exploré plus loin. Alors, dans tous les cas, ici comme ailleurs, ces ouvrages sont des ouvrages techniques particulièrement vulnérables, en ce sens qu'ils sont conçus pour un usage précis et en fonction de besoins historiquement déterminés, si bien qu'ils disparaissent ou sont transformés de façon radicale lorsque l'utilité en est perdue. Et depuis 1970, depuis que le Nil est constant, totalement maîtrisé, totalement régulé, on n'a plus besoin de répartiteurs, on n'a plus besoin de régulateurs, on n'a plus besoin de seuils, les portes de ces barrages ont partout été enlevées, et ces barrages ont été très largement détruits ou transformés. Bien plus, je pense que j'ai fini, les cours d'eau eux-mêmes ont été très largement altérés, des canaux damnés sont aujourd'hui utilisés comme de simples drains, puisque l'eau arrive par ailleurs. Le pompage, évidemment, mécanique, c'est diffusé partout, et les prises d'eau sont, la plupart du temps, envahies par des jacinthes d'eau. Alors, j'avais prévu de vous montrer des diapositives montrant ce qu'étaient devenus ces ouvrages d'art entre 1990, 80 et 2000. Bon, malheureusement, je ne peux pas les montrer, c'est assez dramatique de voir, alors par exemple, systématiquement les tabliers des barrages, qui sont aussi des ponts évidemment, sont détruits pour être élargis, porter des routes. Parfois le barrage est contourné dans un premier temps, puis ensuite il est détruit. Des éléments caractéristiques de cette architecture aussi, ah oui, j'ai oublié de montrer celle-là, ça c'est l'organisation d'un grand chantier. Dans les innovations de la pratique, évidemment, hydraulique, la logistique, quelque chose d'important, mais je passe très vite. Voici les ouvrages des avoirs, hein, quand on passe à la taille supérieure des très très grands barrages d'Assiout, Nagahamad et Isna, qui vont conduire donc au premier barrage d'Assouan, puis au barrage. Et voilà des éléments qui ont systématiquement été perdus pillées ou simplement détruites, qui sont les plaques de fondation de ces ouvrages. On en a quelques-unes dans les archives, mais on n'a même jamais fait l'étude, pas même moi d'ailleurs, j'ai bien construit pendant des années sur les ingénieurs, mais on n'a même pas fait l'étude des inscriptions qu'elles comportent et des chronogrammes qui les marquent. Alors il y a quelques ouvrages qui ont quand même été un peu patrimonialisés. Le premier, c'est Canal Marcoder, en raison de l'importance qu'il a dans l'histoire d'Alexandrie, qui était marqué donc par deux monuments, c'est des chronogrammes, hein, c'est les plaques de fondation, mais ici transformées en édicules monumentales. Celle de gauche était à l'embouchure du canal à Alexandrie, à côté d'une mosquée, qu'on appelait d'ailleurs mosquée du chronogramme, qui avait été fondée à l'occasion de l'inauguration du barrage. Elle a été détruite, la mosquée aussi. Et l'autre était à la prise d'eau, au contraire, sur le Nil, dans un village qui s'appelle El Hadj. Et parce que c'est une grosse bourgade rurale, là, on a pu le sauver. Mais on l'a déplacé, il n'est pas en très bon état. Et puis le second ouvrage très patrimonialisé, c'est le barrage du Delta, qui pourtant est la pire catastrophe de l'histoire de l'hydraulique égyptienne, dans la mesure où c'est un ouvrage qui a été mal conçu dès le départ, qui n'a jamais réussi à fonctionner correctement, et qui a fait l'objet de travaux de reprise en continu depuis 1847, date de son inauguration, jusque dans les années 1880. C'est l'œuvre d'un Français, Mougel, qui est technicien, on parfait des bêtises, et c'est finalement un ingénieur anglais qui saura remettre ça d'abord, tout à fait à la fin des années 1880. Alors ce barrage du Delta a été une résidence princière pendant longtemps, c'est encore une résidence d'hôte de la République égyptienne, et comporte un très beau jardin qui avait été créé par un ingénieur anglais, les Anglais ont toujours été très forts sur les jardins, pour héberger l'administration des irrigations. C'est encore là que se trouve le centre de recherche du service des irrigations en Égypte. Et c'est par ailleurs une forteresse construite par Saïd dans les années 1850, dans le style scottish qu'on voit un peu ici déjà, et qui a été transformée en prison. Ça reste l'une des principales prisons politiques d'Égypte. Et sur ce point, soyez tranquille, la patrimonialisation marche très bien. Cela continue d'être plein comme un œuf. Je vous remercie. Merci.